Si bateau longtemps, il y a où dans le fond, sous bateau longtemps, tu n'avais pas de noir, t'es comme les animaux, t'es comme les animaux. Cette carte pour m'accoster à Paname. La tête remplie de son et dit d'enfer pour les belles dames. Des lyrics explicites de plus en plus, il plein les douilles. Chargé comme un magnum, il dégomme pour les dom-toms. Je suis toujours incité à présenter le 974 à Jean ou pété. Et malgré l'accent du bled, c'est pas du langage de PD. V'là 9-4 kilos, stylé sur stylo. Pour l'enculé, qui dit au stylé, si obstine. À moins mi braise, mi boire, mi bourre. Pendant que où ça rote ta maison disco boîte goût. Genos, tu sais pas qui c'est. Un MC pas vraiment français. Café 13 000 bandes pour bien t'enfoncer. J'suis loin d'être rassasié ou assagi. Jamais trop là où ça jouit. Le reste j'sais pas de quoi il s'agit. Moi j'connais pas les coups de pute en pote. Mais dis-toi que les grosses putes connaissent bien mes coups de bite. Et malgré que je sois straight comme la connexion SHENOZ par mon champ d'action tu reconnais le son. Car mon style est tropical, le tien trop piqué. Tu peux qu'abdiquer la manière kickée est radicale. Et débarque du 974 pour accoster à Paname. La tête remplie de son et rythme d'enfer pour les belles dames. Des lyrics explicites et plus implicites par les douilles. Chargé comme un magnum, il dégomme pour les dom-toms. Et débarque du 974 pour accoster à Paname. La tête remplie de son et rythme d'enfer pour les belles dames. Des lyrics explicites et plus implicites par les douilles. Chargé comme un magnum, il dégomme pour les dom-toms. Écoute-la, rime, écoute-la. Savour là, saveur mais redoute là, comme un coup de là. L'île de la Réunion, ma terre, mère, celle qui m'a materné et maté tellement ma terre. Mais les palais et cours, même si la taille d'un bataille faut prendre le coup. Mais où l'a perdu la taille de l'entaille. Où papa il met Tiba, il boit la raque devant Tiba. Où fait le coq, mais où mouille comme un poule, et ça où dit pas. Je suis un éternel, spirituel, et par respect aux ancêtres, fumer un bon zamal fait partie du rituel. Et ouais l'ami, je suis un rebelle insoumis, et à chacun de mes couples, et dans ton cerveau c'est le tsunami. Mon rap à la Rome, du bon rhum arrangé, et son abus excessif mais souvent autrui en danger. M'a pas ni là pour draguer, ni pour blaguer, mais il est toujours aux aguets, comme pour taguer. Et débarque du 974 pour accoster à Paname. La tête remplie de son, et rythme d'enfer pour les belles dames. Des lyrics explicites et plus implicites par les douilles. Chargé comme un magnum, il dégomme pour les dom-toms. Il débarque du 974 pour accoster à Paname. La tête remplie de son, et rythme d'enfer pour les belles dames. Des lyrics explicites et plus implicites par les douilles. Chargé comme un magnum, il dégomme pour les dom-toms. Ma rage tu la sens à travers mes versets. Flashé à plus de 300, je te conseille de ne pas traverser. J'écoute pas les conseils des tarpas. En fait ils ont qu'une idée en tête, c'est en train de pouvoir t'abattre. Mais j'ai un œil dans le dos et je considère que c'est un don de Dieu. Et grâce à lui je compte pas finir clodo. L'écriture est pure, pas comme l'air. Mon rap n'est pas discret mais abstrait un peu comme l'art. Et quand je me mets à foncer, c'est jamais tête baissée. Et même si je suis blessé, je continue d'avancer. Certains croient me connaître, que je suis un être bête comme si je viens de naître. Ceux qui pensent ça qu'ils traitent se fermer. Chez nos étrons, elle va droit au but et il est direct. Comme un coup de front à cause d'un coup de pute et tout ça en direct. Tout ça pour dire que j'en ai rien à foutre des commérages. Et quand je dis ça, mate les fils de pute comme ils ragent. Il débarque du 974 pour accoster à Paname. La tête remplie de son, une vie d'enfer pour les belles dames. Des lyrics explicites et plus implicites par les douilles. Chargé comme un magnum, il dégomme pour les dom-toms. Il débarque du 974 pour accoster à Paname. La tête remplie de son, une vie d'enfer pour les belles dames. Des lyrics explicites et plus implicites par les douilles. Chargé comme un magnum, il dégomme pour les dom-toms. Il débarque du 974 pour accoster à Paname. La tête remplie de son, une rythme d'enfer pour les belles dames. Des lyrics explicites et plus implicites par les douilles. Chargé comme un magnum, il dégomme pour les dom-toms. Il débarque du 974 pour accoster à Paname. La tête remplie de son, une rythme d'enfer pour les belles dames. Des lyrics explicites et plus implicites par les douilles. Chargé comme un magnum, il dégomme pour les dom-toms.